Biographie de Marie de Gonzague. Texte inachevé de Sœur Cécile, 1929-2010, Carmélie de Lisieux. D'après Archives Carmel Lisieux FR. À l'aube du samedi 17 décembre, Mère Marie de Gonzague entrait dans la vie. À cette date, l'Église reprenait dans la liturgie le cycle des grandes antiennes ou antiennes préparatoires à la fête de Noël, et qui commence toutes par ce Oen Iratif. Ô sagesse, chanterait-on à vêpres, ce soir-là. Oh oui, sagesse de la Providence qui avait choisi Mère Marie de Gonzague pour être la prieure de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, la plus grande partie de sa vie carmélitaine. Mark and Danvoord Press.com. D'après archives-carmel-lisieux.fr. Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. On peut souhaiter en savoir un peu plus sur celle que Thérèse appelait « ma mère chérie, ma mère bien-aimée », manuscrit C. Céline écrira, elle avait un côté de son caractère comme enfantin. On trouvait de la joie à la gâter, à la choyer, à la protéger comme on fait à un petit enfant. Quelque chose en elle y portait. Aussi, ce n'était pas par feinte qu'on l'entourait de prévenance et de soins, c'était souvent par un besoin du cœur. Notopia sur Marie de Gonzague, septembre 1947. Et lorsque le neveu d'Aimé de Jésus fait sa première communion, Marie de Gonzague tient à lui offrir un souvenir. Sœur Aimé demande à sa sœur, s'il préfère un chapelet ou un paroissien, tu voudras bien m'écrire quelques lignes pour répondre au désir de notre révérende. Mère qui me prouve son affection pour vous, ce qui me touche d'autant plus qu'elle appartient à une très noble famille. Son bon cœur a besoin de faire des heureux. Survol biographique. 20 février 1834 naissance à Caen de Marie David de Verville. 29 novembre 1860 entrée au Carmel de Lisieux. 30 mai 1861 vêture. 27 juin 1862 profession. 16 juillet 1862 prise de voile. 8 juillet 1866 sous-prieur. 8 août 1869 réélection comme sous-prieur, pour 3 ans. 20 janvier 1871 réfugié dans sa famille, avance des Prussiens. Mars 1871 retour au Carmel. 28 octobre 1874 prieur. 10 novembre 1877 réélection comme prieur. 16 novembre 1880 charge maintenue pour 2 ans par Monseigneur Huguenin. 28 janvier 1883 elle quitte la charge, est remplacée par Mère Geneviève. Elle est première dépositaire, économe, et maîtresse des novices. 3 février 1886 prieur. 13 février 1889 réélu prieur. 13 février 1892 charge prolongée pour 1 an. 20 février 1893 elle quitte la charge, remplacée par Mère Agnès. Elle est économe maîtresse des novices. 21 mars 1896 prieur et maîtresse des novices, secondée par Thérèse. 22 mars 1899 réélu prieur. 19 avril 1902 quitte définitivement la charge, remplacée par Mère Agnès. Est économe jusqu'à sa mort. Printemps 1904 tumeur cancéreuse à la langue. 17 décembre 1904 décès. Mère Marie de Gonzague a donc été 6 ans sous-prieur et 21 ans prieur. 1834-1860, Marie de Verville. La pénétration des Prussiens en Normandie, en janvier 1871, déclenche la panique. Plusieurs familles de la région réclament leurs filles, Carmélite à Lisieux, pour les mettre en sécurité. Dumombray Sœur Marie de Gonzague, accueillie à Caen le 20 janvier. C'est sans doute pendant ce court séjour en famille, qu'un peintre fixe sur la toile les traits de la Carmélite, tableau de 59x73. Elle a 37 ans. Très fort et visage intelligent, que la photographie transmettra plus tard, visage modelé, bouche bien dessinée, nez proémine, des yeux magnifiques et des sourcils très hauts, semblables à ceux de Thérèse d'Avila sur les tableaux. En haut à gauche, on trouve les armoiries de la famille. Le blason se lit ainsi, d'azur au chevron d'or accompagné de trois barbus de même, posés deux en chef affronté et une en pointe Marie de Vierville, appartient donc à l'antique famille des David et Harpe, représentée par les David du Perron, d'Anfreville, de Vierville, de Bois-Roger, avec d'innombrables sous-rameaux, selon l'histoire généalogique des David, par l'abbé Jean Canu, 1958. À laquelle nous empruntons un renseignement. Absente du tableau, la devise des David Harpe dit que l'univers se réjouisse de cette harmonie. Comment ne pas penser à d'autres armoiries, peinte à la fin d'un pauvre cahier écolier, en janvier 1896, par une petite carmélite obscure. Y figure aussi une harpe, MSA, 86, dont la mélodie réjouira bientôt le monde entier. Mais n'anticipons pas. Une illustre maison. Le premier ancêtre certain de Marie de Vierville est un Jean David, sieur du Perron, Vierville et Dubois. Il meurt le 24 juillet 1414, inhumé à Perrier, Manche. 12 générations nous conduisent à notre héroïne. Les David du Perron forment l'une des plus curieuses et des plus intéressantes familles du Cotentin. Elle donnera un cardinal, grand aumônier de France, l'une des gloires de l'Église et des lettres françaises, un archevêque, plusieurs ambassadeurs, de grands baillis du Cotentin, un chambellan de François Ier, un chef d'escadre des armées navales, commandeur de Saint-Louis, inhumé par ordre du roi dans la chapelle du château de Vincennes, un commandeur de l'ordre de la milice du Christ, deux lieutenants généraux des armées du roi, de nombreux officiers de terre et de mer, des magistrats, un archidiacre, des chanoines, etc. Cadet de famille, le père de Marie de Vierville, s'orientera vers la magistrature. Ses deux frères aînés, Adrien et Alexandre, opteront d'abord pour la carrière militaire. Un fief séculaire. Le fief de Vierville, situé sur Saint-Aubin-du-Perron, Aubigny, Marchezieux, Saint-Christophe d'Aubigny et Saint-Pierre de Feugères, appartient toujours aux David depuis 1300. Il possède encore un manoir seigneurial avec une chapelle fondée en l'honneur de Saint-Avoy. Le domaine s'inscrit approximativement dans le triangle Perrier, Saint-Sauveur-Landelin, le Ménil-Vigo. C'est là que naît, le 9 janvier 1802, Pierre-Louis Amédée David, comte puis marquis de Vierville, père de notre carmélite. Au palais de justice de Caen. À l'époque de son mariage, 30 novembre 1827, Pierre David de Vierville, sic, est domicilié de droit chez ses mères, à Saint-Aubin-du-Perron, mais de fer Upémani, à Caen, entre la place Saint-Martin et la place Saint-Sauveur. Derrière les tribunaux. Il vit de son bien. Il prend pour épouse Adélaïde Zoé Corbel, fille d'un avoué près la cour royale de Caen, habitant 32, place Saint-Sauveur, tout près du palais de justice. Le jeune couple s'établit dans la solide demeure. C'est là que naîtront les sept enfants: Stéphanie 22 octobre 1828, Adrien 21 avril 1830, Alexandre 12 mars 1832, Marie 20 février 1834, Léon 8 juillet 1836, Hervé 29 mai 1838, Thérèse 2 juillet 1841. C'est là aussi que mourront les parents, Madame de Vierville le 30 juillet 1872, son époux le 1er 9, 1876. À la naissance des deux aînés, Monsieur de Vierville est encore déclaré comme vivant de son bien. On le trouve ensuite avoué près la cour royale. Le foyer vit assez modestement. Mère Marie de Gonzague rapportera sans fausse honte le dicton que citait leur père, Quand il ne pouvait procurer à ses enfants ce qu'ont les riches, le nombre des étourneaux les rend maigres, mais un jour la fortune lui sourit, et il hérita de titres et de domaines, Nogjé. Quatre seulement des sept enfants fonderont un foyer, Stéphanie qui épouse Jean-Charles Édouard Pays, le 18 septembre 1855, la seule noce à laquelle participe notre mari, elle entre au Carmel avant les autres mariages, puis Alexandre, qui doit renoncer à la carrière militaire après avoir été blessé à l'assaut de Sébastopol, 1855, et qui s'unit à Louise de Bocquet, 3 septembre 1861, ensuite Thérèse, 9 février 1866, qui se retrouve avec une tante pour belle-mère. Puisque Louis-Martin de Bouillon, veuve de 40 ans, est son propre cousin germain. Adrien de Vierville, enfin, ancien officier au 3e régiment de chasseurs d'Afrique, qui a participé à la campagne d'Italie, 1859, épouse une descendante de Jeanne d'Arc, puis justement de Jean d'Arc d'Ulysse, second frère de Jeanne, Marie-Blanche de Zazard de Montgaillard. 14 novembre 1866. Léon Hervé, célibataire, Merlin à Caen, 15 janvier 1877, l'autre à La Havane, 11 février 1866, comme enseigne de vaisseau. Mère Marie de Gonzague survivra à tous ses frères et sœurs. L'enfant de la Visitation. De la jeunesse de Marie de Vierville, des circonstances de sa vocation carmélitaine, on ignore tout. On sait seulement qu'elle fut élève de la Visitation de Caen, monastère non éloigné de son domicile. En janvier 1895, elle le rappelle à Léonie Martin, alors novice dans ce même couvent, « Dites mes vœux, je vous prie, à vos dignes mères que Jeanne toujours en enfant de la Visitation parmi ses compagnes d'études, se trouvait Marie-Désie qui la rejoindra plus tard au Carmel. Est-ce de ce séjour que date sa dévotion si ardente au cœur de Jésus ? Des pages abominables. En 1926, Mère Agnès s'alarme de publications indiscrètes et même scandaleuses, qui déshonorent en particulier Mère Marie de Gonzague et sa famille. Elle s'indigne aussi de l'article de Péubal, page abominable qui tient du procès, sur la pauvre Mère Marie de Gonzague. L'ancien sous-promoteur de la foi, Monsieur Dubosc, tente de réfuter cet article. Ils protestent, mais ils sont là, tout près de nous, les membres et les proches de cette famille qu'on met au pilori. Il interroge, en quoi cette divulgation intéresse-t-elle la psychologie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Excellente question. Que ne l'a-t-il posé le 6 juillet 1915 au témoin auteur des pages pénibles, qui allait devenir la source historique des Hubal, Van der Meersch, 1947, et autres amateurs de ragots. Mais en 1915, nul ne prévoyait que le Sumarium, 1920, se trouverait chez les brocanteurs au lendemain de la canonisation de Thérèse, 1925. L'effet de boomerang n'a toujours pas fini de jouer. On ne sait rien de la jeunesse religieuse de Sœur Marie de Gonzague, à une exception près, son attrait pour la mission lointaine, et c'est à Thérèse que nous devons se souvenir. En revanche, les documents ne manquent pas qu'ils jettent un éclairage indirect sur cette carmélite si méconnue. Une rétrospective sur les débuts de la fondation Lexovienne montrera, du même coup, que si Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a récompense d'une famille exemplaire, cardinal Mercier, elle est aussi le fruit d'un demi-siècle d'héroïsme caché dans le plus pauvre, et le plus petit des Carmels du siècle dernier. 2. Sœur Marie de Gonzague, novice, 29/11/1860, 27 juin 1865. Sœur Marie de Gonzague a le privilège de commencer sa vie carmélitaine sous les meilleurs auspices. En 1857-1860, une jeune prieure, Mère Aimée de Jésus, 1818-1867, a donné un nouvel essor au monastère fondé 20 ans plus tôt. Elle a fait construire une partie importante des bâtiments réguliers et reçu des sujets de valeur, Triana remplie de bénédictions. Le 18 janvier 1860, elle transmet la houlette à Mère Geneviève de Sainte-Thérèse. Le 22 mars, Monseigneur Didio approuve la fondation d'un carmel en Terre des âmes. Un grand souffle missionnaire anime les carmélites de cette génération. Condition on ne peut plus stimulante pour la postulante Marie-David de Vierville, qui franchit la clôture le 29 novembre 1860. Une communauté jeune. Taille élancée, distinction, voix sympathique, la nouvelle venue à faire allure. Sitôt refermée sur elle la porte conventuelle, la rangée de statues voilées qui l'attendaient se dévoile. Des visages souriants, encore jeunes. Conduite par Mère Geneviève, 55 ans, la postulante embrasse une à une ses sœurs. Présentons-les. Féboronie de la Sainte Enfance, sous-prieur, 41 ans, et Sœur Marie-Thérèse de Saint-Joseph, conseillère et maîtresse des novices, 52, Sœur Saint-Jean de la Croix, 43 ans, Sœur Saint-Joseph, 51 ans. Adélaïde de la Providence, 47 ans, aimée de Jésus, économe, 42 ans, Philomène de l'Immaculée Conception, 40, Isabelle des Anges, 45 ans, Saint Stanislas, 36, Emmanuel de la Présentation, 36 ans, Marie-Baptiste, 29, aimé de Marie, 33 ans, Xavier du Cœur de Jésus, 24, Cœur de Jésus, 26, puis trois sœurs converses, Madeleine du Saint-Sacrement, 43 ans, Marie de l'Incarnation, 32, Saint Dosité, 28 ans, enfin une novice choriste, Marie de Jésus, 24. Manque à l'appel Sœur Marie de la Croix, Gosselin, 48 ans, l'une des fondatrices, retenue à l'infirmerie depuis 11 ans. Avec une moyenne d'âge de 39 ans, ce sont donc des forces vives au service de Dieu et de la communauté. Un monastère en construction. On conduit la postulante au cœur, le même que connaîtra Thérèse de l'Enfant Jésus et qui subsiste toujours. La chapelle a été bénite le 6 septembre 1852. On lui désigne sa cellule, sans doute dans le bâtiment 9, première pierre. 15 mai 1858, bénédiction. 11 juillet 1859, première aile du quadrilatère de briques rouges aujourd'hui mondialement connu. Au rez-de-chaussée, le long d'un cloître, voici le réfectoire, les cuisines et laveries, le chauffoir, salle de récréation, une petite bibliothèque. En sous-sol, une citerne et une cave. Au premier étage, de part et d'autre d'un corridor, 13 cellules, 3 infirmeries, une petite cuisine. Prolongeant le dortoir, une tribune, donnant sur le cœur des carmélites, va servir de salle du chapitre. C'est là que se dérouleront les professions jusqu'en 1876. En 1858, 1859 encore, Mère Aimée de Jésus a fait aménager un bâtiment près de la porte conventuelle. On y trouve les sacristies, le confessionnal et, à l'étage, quelques pièces mansardées, dont la lingerie et le noviciat. Celui-ci, fort pauvre, verra se former une vingtaine de carmélites, y compris la jeune Thérèse Martin, jusqu'en juillet 1890. Ainsi libéré, le premier bâtiment de la rue de Livarot, on l'abattra en 1889, est transformé en maison des tourières et parloirs. On prend 7 cellules dans les mansardes, pour les sœurs de l'intérieur. À l'heure de son entrée, ce 29 novembre 1860, Sœur Marie de Gonzague ne soupçonne pas qu'il lui reviendra d'achever le monastère régulier. Une maîtresse de valeur. Mère Thérèse de Saint-Joseph, Athalie Gosselin, l'une des deux fondatrices de Lisieux, a reçu sa formation à Poitiers. Depuis la mort prématurée de la première prieure de Lisieux, Mère Élisabeth de Saint-Louis, Le 3 janvier 1842, elle est devenue le bras droit de Mère Geneviève. Sa notice la décrit comme douée d'une rare intelligence, et d'une capacité peu ordinaire, d'un esprit pénétrant très propre à la conduite des âmes. Exigeante, énergique, elle sait aussi gagner les cœurs, et relever le courage de ses disciples. Lorsqu'en 1858 Mère Aimée entreprend les constructions qu'on a dites, ce fut la Mère Thérèse que son supérieur chargeait d'en faire le plan. L'entrepreneur l'adoptait, elle en surveille l'exécution avec zèle et habileté. Le soir elle donnait aux pierres vivantes de son monastère, le temps que lui laissait son occupation d'architecte, et ces pierres vivantes qu'elle taillait avec tant de soin, elle les a vues porter dans les pays, les plus reculés la bonne semence, qu'elle avait jetée dans leurs âmes par elle, en effet, furent formées les futures fondatrices de Ségon, Jérusalem, coutant ses camps. Un noviciat fervent. L'émulation règne sous la direction d'une telle maîtresse. L'aînée du noviciat, Sœur Xavier, professe depuis le 18 mai 1859, donne l'élan à ses jeunes compagnes. Sœur Cœur de Jésus, d'une intelligence supérieure et d'une grande piété, a renoncé à une fonction d'institutrice brillante, et fait profession le 2 décembre 1859. La jeune Marie de Jésus est presque toujours l'une des premières dans les défis de vertu que se proposent les novices, à l'exemple de la Madre d'Avila. D'une singulière fidélité à la grâce, elle mourra tuberculeuse, à 26 ans, 31 mai 1862, 14 mois après sa profession. Enthousiaste, généreuse, Sœur Marie de Gonzague entra plein dans cet élan juvénile. Elle prend l'habit le 30 mai 1861, en la fête du Saint-Sacrement. L'année suivante, le voyage à Rome du supérieur, Monsieur Cagnard, mai-juin, ajourne sa profession jusqu'au 27 juin 1862, fête du Sacré-Cœur, sa grande dévotion. Elle reçoit le voile noir le 16 juillet. Quelques jours plus tard la rejoint au Carmel, une ancienne compagne de pension, Marie-Thérèse Désy, intelligente, artiste et pleine d'entrain. Épreuve du noviciat. Les défis reprennent de plus belle. Les deux Benjamins en redemandent. Notre mère, donnez-nous des épreuves soit. Un jour, la maîtresse des novices s'approche de Sœur Marie-Thérèse, Désy, occupée à terminer une peinture. Tiens, s'exclame-t-elle, en voilà une idée. Vous mettez les ombres de ce côté? C'est de l'autre qu'elles doivent être, cependant, notre mère, je vous assure, bien, bien, réplique Mère Thérèse. Donnez-nous des épreuves, et la maîtresse s'en va, laissant la novice déconfite de sa foi en ses talents et en son humilité. Mesquinerie? C'étaient les méthodes du temps. Dans 25 ans, Mère Marie de Gonzague, prieure, n'agira pas autrement à l'égard de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, toile d'araignée sous le cloître, promenade de l'apprentie jardinière, tout sera l'occasion de l'éprouver par des remarques humiliantes. Avant de quitter le noviciat, 27 juin 1865, Sœur Marie de Gonzague accueille encore 3 compagnies, Marie de Saint-Joseph, Regnault, le 14 février 1863, Sœur Marie Vincent de Paul. 2 février 1864, et Thérèse du Sacré-Cœur, 3 juin 1864. 8 novices en moins de 7 ans, une bonne performance. Un souffle missionnaire. La fondation du premier Carmel de mission marque pour la vie la jeune Marie de Gonzague. On en connaît l'histoire. Sœur Philomène de l'Immaculée Conception informe de sa profession, 9 février 1846, son cousin Monseigneur Lefebvre, vicaire apostolique en Cochinchine. Ce dernier, alors en prison et condamné à mort, reçoit, avant la lettre de Lisieux, la visite de Sainte Thérèse d'Avila, qui lui demande d'introduire le Carmel en un âme, Dieu en sera grandement servi et glorifié. Libéré, L'évêque répond à sa cousine Philomène en demandant des carmélites françaises. Mère Geneviève, prieure en 1842-1848, adopte aussitôt l'héroïque projet. Mais il faut attendre la fin de la persécution. La prise de Ségon par les Français en 1859 marque le signal de départ. Depuis des mois, des années, on a rassemblé péniblement, à Lisieux, trousseaux et objets nécessaires aux quatre fondatrices désignées, Philomène, Emmanuelle de la Présentation, Marie-Baptiste et Sœur Xavier. Monseigneur Didiot, de Bayeux, vient les bénir le 21 juin 1861. Le 30 juin, la récréation du soir voit se dérouler au cœur d'une cérémonie des adieux, inspirée de celle des missions étrangères. Les partantes sont placées devant la grille du cœur, et toutes les sœurs, par ordre de religion, viennent s'agenouiller pour leur baiser les pieds, pendant le chant d'Antienne et Psaume. La dernière à se présenter est sœur Marie de Gonzègue, novice depuis un mois. Moment d'intense émotion. Les missionnaires sont surtout frappés par cette pensée, c'est le plus pauvre et le plus petit des Carmels, qui a été choisi par Dieu pour aller implanter l'ordre du Carmel sur le sol d'Annam. Là viendront s'abriter les filles de confesseurs de la foi ou de martyrs, ou même de jeunes chrétiennes ayant elles-mêmes porté la cangue et confessé Jésus-Christ. N'oublions pas que Théophane Vénard a été décapité le 2 février 1861. Après un long voyage maritime des plus pénibles, on atteint Ségon le 9 octobre 1861. Dès le 23 mars suivant, les sœurs Emmanuelle et Marie-Baptiste regagnent Lisieux, vaincues par les difficultés d'adaptation. Qui va les remplacer? Les volontaires ne manquent pas. C'est alors, ou l'année suivante, que sœur Marie de Gonzague se propose, comme Thérèse le rappellera à deux reprises en 1897. Elle en est empêchée par la volonté de son supérieur, lettre 221. Et Thérèse de commenter délicatement, souvent les désirs des mères trouvent un écho dans l'âme de leurs enfants. Ô ma mère chérie, votre désir apostolique trouve en mon âme, vous le savez, un écho bien fidèle. Manuscrit C, 9 verso, directo. Ainsi tournée dès son noviciat vers la mission lointaine, Mère Marie de Gonzague saura comprendre et favoriser les aspirations de celle qui deviendrait un jour patronne des missions à l'égal de Saint François Xavier. 3, 1866-1872, première responsabilité. Dès sa sortie du noviciat, le supérieur, Monsieur l'abbé Cagnard, la laissa mettre dans les charges, espérant par ce moyen développer ses réelles capacités, les remédier à son humeur bizarre. Ce fut une fatale erreur, témoignage de Mère Agnès Opéa. Le verdict tombe comme un coup près de guillotine. Rassurons-nous, à l'époque des faits, 1866, le témoin de 1915, n'est qu'une fragile petite fille de 5 ans, qu'il faut fortifier à l'huile de foie de morue. Au même moment, les futurs co-signataires du rapport ont respectivement 21 ans, novice au Carmel, 10 ans, 6 ans, moins ans et moins ans. Si erreur il eut, il faut l'imputer aux 14 capitulantes de 1866. Mais laissons ces procès d'intention pour revenir aux faits. Habile brodeuse. Les photos de 1895-1896 nous montrent Mère Marie de Gonzague en train de coudre, de rincer le linge, de faner, VTL, numéro 16, 17, 24, 25, 36. L'aristocrate savait travailler. Quels furent ses emplois de jeune carmélite? Elle a sûrement brodé des ornements liturgiques, alors l'une des activités rémunérées du monastère. En 1865, ses sœurs payèrent les fournitures de la belle écharpe qui fut brodée par elle. La sacristie du Carmel garde toujours ce voile huméral blanc, orné au centre d'un sacré cœur très en relief et d'épis d'or aux extrémités. Mesdames de Verville commandèrent plusieurs ornements brodés pour diverses paroisses. Notons au passage les autres travaux, qui assuraient aux carmélites leur subsistance. Monsieur Cagnard les énumère, dans le style de l'époque, lors d'un sermon de vêture, la carmélite, sans interrompre ses tendres communications avec Dieu, travaille la laine et le lin, cultive les herbes et les racines, se luxe permis à sa table, façonne sa robe de buret, sa chaussure de cordes, elle confectionne les tuniques des prêtres, brode, avec l'or et l'argent, les ornements de l'autel, prépare avec la plus pure farine de froment le pain azim. Du sacrifice, c'est elle encore qui apprête les blanches aubes des lévites, mélange l'encens, enrichit son monastère de tous les instruments de pénitence, et monte les fleurs avec un art merveilleux, elle gagne ainsi son pain à la sueur de son front. 24 novembre 1858. Mère Marie-Baptiste, prieur, 1866-1868. Mère Geneviève, la fondatrice, avait été réélue prieure le 30 janvier 1863, avec sœur Fébronie pour sous-prieur. Celle-ci ne tarde pas à démissionner. Marie-Baptiste lui succède. Aux élections du 1er février 1866, elle est élue prieure. Mère Geneviève ayant terminé ses 6 ans. Mère aimée de Jésus devient sous-prieure. Le tempérament ardent de la jeune supérieure, 35 ans, et les circonstances vont plutôt bousculer les choses, rue de Livarot. Fondation de Coutances, 29 juillet 1866. Le 30 mars, Vendredi Saint, Mère Marie-Baptiste reçoit une demande inattendue de Monseigneur Bravard, évêque de Coutances. Il souhaite un Carmel dans sa ville épiscopale, celui de Valognes étant de langue anglaise. Il prie donc le Carmel de Lisieux de lui céder quelques religieuses. L'affaire est menée rondement. Les supérieurs de Lisieux donnent aussitôt leur accord, on enverra 4 fondatrices, pourvu que Monseigneur Bravard assume toutes les dépenses. Il faut visiter le local avant acquisition. Monsieur Cagnard et Mère Marie-Baptiste, qui s'adjoint Sœur Marie de Gonzague et Marie-Thérèse Désy, sa mère habite Coutances, partent le dimanche 29 avril 1866. Arrêt à Caen. Frères et sœurs de Vierville sont réunis pour embrasser leur sœur. La délégation lexovienne soupe et couche place Saint-Sauveur. Suite du voyage le lundi. À Coutances, on loge 7 fois chez Madame Désy. Accord conclu. La fondation est fixée au 30 juillet. Sont désignées, Mère aimée de Jésus comme prieur, elle mourra dans 18 mois, n'ayant pas 50 ans. Et laissant le souvenir d'une sainte, sœur cœur de Jésus, sous-prieur, qui reviendra à Lisieux en 1882, Emmanuel de la Présentation, économe, on l'avait choisi 2 fois sans succès pour Séguin, Marie-Thérèse, Désy, comme 3e conseillère. Une Coutançaise venue commencer son postulat à Lisieux, sœur Saint-Jean l'évangéliste, et de l'expédition. Le départ d'Aimé de Jésus laisse vacante à Lisieux la place de sous-prieur. Il lui faut une remplaçante. Sœur Marie de Gonzague, sous-prieur, 1866-1872. L'élection a lieu le 8 juillet. L'élu, Marie de Gonzague, a 32 ans. À vrai dire, lorsqu'on parcourt la liste des éligibles de 1866, le choix est restreint. Les fondations de Séguin et de Coutances, et la mort de Sœur Marie de Jésus, 1862, ont privé Lisieux de 9 sœurs en 5 ans. Mère Thérèse de Saint-Joseph, Gosselin, a demandé à n'avoir pas de charge. 2 grandes infirmes, Sœur Marie de la Croix et Sœur Louise, mobilisent une sœur jour et nuit. La sous-prieure doit être toujours en la communauté, avoir soin du cœur et que l'office soit bien dit et chanté posément, Constitution de 1581, chapitre 14. Elle préside à la place de la prieure, chœur, récréation, réfectoire, etc., quand celle-ci en est empêchée. Elle est cérémoniaire des vêtures, profession, elle organise les petites fêtes de communauté. Tout cela suppose de la santé, des aptitudes, et exclut tout autre emploi incompatible. Il faut croire que Sœur Marie de Gonzague réunit ses qualités. Bâtiment et pierre vivante. Mère Geneviève semble davantage faite pour consolider que pour entreprendre, même si la fondation de ses gonds a supposé de l'audace. Elle n'a pas la maladie de la pierre. À peine élue, Mère Marie-Baptiste relance donc la construction du monastère. En août 1866, première pierre du cloître du chœur. À l'autre extrémité du terrain, construction de la buanderie, ouverture d'une porte chartière, par où se faufilera Tom, l'épagneul de Thérèse, en 1889. En 1868, on élève le petit bâtiment dit du chœur de Marie, avec le produit d'une loterie, 5730 francs. On accueille trois postulantes en deux mois, Sœur Saint-Pierre Converse, 22 octobre 1866, Sœur Marie des Anges, 29 octobre, et Lydia William, 14 décembre. Cette dernière, anglaise, fille d'un pasteur, a été religieuse anglicane avant sa conversion. En 1866, elle est dame de compagnie à Orbeck. Le supérieur, aidé d'un interprète, va s'assurer des dispositions de la jeune personne de 29 ans. La postulante est admise sans autre examen, pas même de français. Elle devient Marie-Thérèse du Cœur de Jésus. Vêture et profession se succèdent, de la besogne pour la sous-prieure Marie de Gonzague. Que s'est-il passé au juste le 16 juillet 1867, vêture de Sœur Saint-Pierre? La sous-prieure se serait-elle lassée du sermon du Père le Lasseur? Par un coup de tête déplorable, nous dit-on, elle s'en va bouder au jardin plusieurs heures. Impossible de la retrouver. On la découvre enfin. Explication avec la prieure Marie-Baptiste, dans la cellule de celle-ci. La fugueuse fait un pas vers la fenêtre, est-ce vraiment pour s'y jeter? On ne saura jamais le dernier mot de l'incident. Pas de fumée sans feu. On étouffa l'un et l'autre pendant près de 50 ans, mais le rapport de 1915, procès apostolique 143, devait remuer les cendres. Autre son de cloche, le joyeux carillon de la cathédrale Saint-Pierre, quelques mois plus tôt. Un bon vent a-t-il porté son écho jusqu'au Carmel, le 11 septembre 1866? L'admirable sonnerie salue à l'union d'Isidore Guérin et de Céline Faunet, des inconnus alors pour les carmélites. Laissons passer deux fois 11 ans, 1877-1888. La présence des pharmaciens de la place Saint-Pierre pèsera lourd sur les destinées du monastère. On fonde encore, 19 octobre 1868. Pour le moment, c'est un décès qui touche de près le Carmel. Le 6 novembre 1867, Monsieur Roger, principal du collège, perd sa jeune épouse, 28 ans. Née Marie-Adélaïde Alexandre, elle est la sœur de Thérèse du Sacré-Cœur, Henriette Alexandre, encore au noviciat. Pour consoler sa douleur, et celle de sa belle-mère qui vit à Caen, Monsieur Roger n'a plus qu'une idée, travailler à la restauration du Carmel de Caen et y amener sa belle-sœur. Instance auprès du supérieur de Lisieux et de Mère Marie-Baptiste. Ils entrent dans le projet. Déjà, bien avant la fondation de Ségon, Lisieux avait été sollicité de relever l'antique Carmel de Caen, le 12e de l'ordre en France, 1616, dispersé à la Révolution. Sœur Saint-Jean de la Croix, Guéret, avait vivement désiré y prendre part. Les démarches avaient échoué. Au printemps 1868, L'heure de la providence a sonné. Mais le secret est bien gardé vis-à-vis de la communauté, y compris, semble-t-il, de la sous-prieure, Mère Marie de Gonzague. Partie le 1er décembre 1862 à la fragile fondation de Ségon, sœur Saint-Jean de la Croix rentre à Lisieux en mai 1868. Fin août, Mère Marie Baptiste informe les sœurs qu'elle ira le lendemain, avec la missionnaire de retour et Thérèse du Sacré-Cœur, visiter une maison à Caen, 77, rue Saint-Paix, destinée au nouveau Carmel de cette ville. C'est la surprise. En octobre, un franciscain, le père Pacifique, donne la retraite. Le soir du 19 octobre, stupeur. Monsieur Cagnard, le supérieur, entre en clôture par la porte qu'ont laissée entrouverte les quatre fugitives, Mère Marie Baptiste, les sœurs Saint-Jean de la Croix, Thérèse du Sacré-Cœur et Lydia William, professent depuis le 25 mars. Départ sans retour, annonce-t-il. La communauté, nous dit la chronique, est terrifiée. On le serait à moins. Pour lui rendre au plus tôt des cadres, on fixe les élections au 23 octobre. Dramatique intérim de 4 jours, pour Mère Marie de Gonzague. Encore sous le choc, les 11 capitulantes se donnent pour prieure Mère Geneviève de Sainte-Thérèse. Douce et conciliante, elle va s'employer à pacifier les esprits. Marie de Gonzague demeure sous prieure. En août 1869, elle sera réélue pour 3 ans. L'économe et première conseillère est sœur Saint-Stanislas. Troisième conseillère, Mère Thérèse de Saint-Joseph. Les malheurs de 70. Ah, le bon vieux temps. Comme les carmélites devaient vivre tranquilles derrière leur grille, autrefois. Ayant fondé 3 fois en 8 ans, de gré ou de force, le monastère lexovien, commence à reprendre haleine quand s'ouvre une série noire. De septembre 1869 à mars 1870, la communauté est accablée par la maladie, dont la typhoïde et la petite vérole. Parfois 7 malades ensemble. Aucun décès toutefois. La guerre éclate avec la Prusse, 13 juillet 1870. Le supérieur, en cure à Vichy, y meurt soudainement, 20 juillet, suivi de près, au Carmel, par sœur Aimée de Marie, 29 juillet. Et c'est l'avancée effrayante de l'envahisseur. Un nouveau supérieur entre en fonction le 14 septembre, Monsieur de la Troette. Faut-il dire, cette fois, que le malheur est de son côté? Cet excellent curé de paroisse n'avait sans doute pas le charisme requis pour diriger des carmélites. Surtout, sa trajectoire devait rencontrer celle de la trop jeune Thérèse Martin. Il en résulterait quelques étincelles. Mère Agnès de Jésus, soucieuse de prouver que sa petite sœur n'avait pas été gâtée, a transmis à l'histoire quelques paroles acides du supérieur, procès apostolique 140-141. À peine en fonction, Monsieur de la Troette ouvre grande, la porte de clôture pour l'exode de 7 de ses filles, 3 les 16, 20 septembre 1870, les sœurs Saint-Raphaël, Fébronier et Marie de Saint-Joseph, 4 le 20 janvier 1871. Mère Marie de Gonzague et sœur Saint-Vincent de Paul, sœur Marie des Anges et sœur Marie de l'Incarnation. Enfin les Prussiens rebroussent chemin, et les carmélites retrouvent leur couvent. 19 mars 1871. La fin de l'année sera plus sereine. Les 7 et 13 octobre 1871 entre les sœurs Saint-Jean-Baptiste et Aimée de Jésus. Le 27 octobre, les élections confirment toutes les charges du 23 octobre 1868. En août 1872, la très honorée mère sous-prieure, comme on disait alors, termine son deuxième triennat. Elle est remplacée par sœur Isabelle des Anges et rentre dans le rang. Le 30 juillet, elle a perdu ses mères, Madame de Verville. Le 22 juillet, 1872, les pharmaciens de la place Saint-Pierre avaient pu lire sous la plume de leur sœur, Madame Martin, l'annonce d'un événement qui arrivera probablement à la fin de l'année. Mais, ajoutait la lettre, cela n'intéresse guère que moi pour le moment, correspondance familiale, page 135. L'heureuse naissance avait lieu à Alençon, le 2 janvier 1873. Nul n'a souffert autant que Mère Agnès, et jusqu'à l'angoisse, de la manière dont on usa et abusa de son texte inséré au procès apostolique, basant sur lui un faux profil biographique de Mère Marie de Gonzague, procès apostolique, 19, 21. On peut donc espérer la consoler par l'exposé serein des faits concernant une personnalité aussi contrastée. Ne sent-on pas percé de l'affection en ces lignes qu'elle adressait en 1939 à l'une de ses filles? Demain, c'est l'anniversaire de la mort de Mère Marie de Gonzague. Elle est morte en 1904. Priez pour cette pauvre mère qui avait de grands défauts, sans doute, mais tellement mélangée d'inconscience. Je serai heureuse de la retrouver au ciel. Elle avait aussi de belles qualités, il faut bien le dire, et était si sympathique parfois. Et puis, notre petite Thérèse lui doit son entrée, et elle a fait profession entre ses mains, et elle lui a écrit des pages si merveilleuses. Les grands défauts, qui se manifesteront surtout en 1893-1896, sont trop connus pour être dissimulés. Les belles qualités restent à découvrir. Au lecteur de s'y exercer s'il le désire. Le récit qui lui est proposé se veut, parcours chronologique des faits, synthèse préconçue. 4, 1874-1877. Premier prieurat. Après 6 ans de sous-prieurat, 1866-1872, Sœur Marie de Gonzague s'est donc retrouvée simple religieuse sous la houlette pacifiante de Mère Geneviève de Sainte-Thérèse. Une page va bientôt tourner pour elle. 1873, une année charnière. Au seuil de 1873, une Thérèse naît, une Thérèse meurt. À Alençon, la 9e enfant des Martins sourit à la vie, le 2 janvier. Par elle le Carmel de Lisieux, acquéra une renommée mondiale. À Lisieux, la première professe du monastère, Mère Thérèse de Saint-Joseph, s'éteint le 6 février, à 64 ans. Sans elle, ce Carmel n'aurait pas même existé. C'est d'elle en effet, et de sa sœur, Marie de la Croix, que vient l'initiative d'une fondation en cette ville. Le Carmel de Poitiers en fut l'instrument providentiel. Il n'en aurait pas assumé spontanément le fardeau. En octobre 1874, Mère Geneviève de Sainte-Thérèse, 69 ans, achève son second triennat. Elle ne peut être réélue. Qui choisir? 28 octobre 1874, une élection consolante. La communauté compte alors 20 religieuses, 15 choristes et 5 converses. Une malade mentale et 4 jeunes en formation n'ont pas voix au chapitre. Sur les 10 capitulantes, une fois exclue la prieure sortant tout de grande malade, Adélaïde par exemple, il reste donc au plus vite éligible, soit, parents de profession, les sœurs Saint-Joseph, Fébronie, Isabelle des Anges alors sous-prieur, Saint-Stanislas, Marie de Gonzague, Marie de Saint-Joseph, Regnault, Marie des Anges, 29 ans, Saint-Raphaël. Le choix ne pose pas problème, la sœur Marie de Gonzague fut élue prieure, la mère Geneviève première dépositaire, et la sœur Stanislas troisième dépositaire. Ces élections donnèrent une grande consolation à Monsieur le Supérieur, disent les chroniques. Mère Isabelle est maintenue dans sa charge de sous-prieur, qu'elle occupe depuis l'été 1872. Elle y mourra le 24 juin 1877, à 62 ans. Mère Geneviève est nommée maîtresse du noviciat. La nouvelle prieure a 40 ans. Monsieur de la Truette est comte. Première fille. Il est de grand moment pour une prieure, surtout nouvellement élue. Recevoir une profession, admettre une postulante, assister une mourante, lui faire expérimenter de façon vitale, sa maternité spirituelle. Elle mesure mieux sa responsabilité à l'égard de ses sœurs, ses filles, il lui faut les précéder et accompagner sur le chemin de l'amour. Elle doit chaque jour développer ou restaurer la communion fraternelle, sans exception des personnes, dans une justice excluant toute partialité. Sainte Thérèse d'Avila donne aux prieurs de sa réforme la règle d'or, se faire aimer pour être obéi. Mère Marie de Gonzague possède une autorité innée. Elle est faite pour commander, protéger, entraîner. Racée, elle ne domine pas, elle émerge. D'aucune dirait, elle règne. Écriture et photo le montrent. Les faits le confirmeront. Elle a la joie de recevoir bientôt les vœux de deux novices, Thérèse de Jésus et Marguerite Marie, le 18 mars 1875. Elle ouvre la porte de clôture à la jeune Thérèse de Saint-Augustin, 19 ans, aussitôt conquise par le charme de sa prieure. Le 21 avril 1876, ce sera au tour de Sœur Saint-Jean de la Croix. Première fête. La fête d'une mère et celle de toute la famille. Il n'en allait pas autrement de la fête de la prieure. La Saint-Louis de Gonzague, le 21 juin, devient donc à partir de 1875 une date joyeuse, rue de Livarot. Elle le sera une vingtaine de fois encore. Thérèse y participera en son temps. On sait l'importance dans sa vie des 21 juin 1888 et 1896, par exemple, confertée à Trocarmel. En 1875, Pie IX accorde à l'univers catholique les indulgences d'un grand jubilé. Pour souligner l'insigne faveur, le jeune aumônier du Carmel, l'abbé Youff, 33 ans d'âge et 2 de charge, offre ce 21 juin un magnifique portrait de sa sainteté à Mère Marie de Gonzague. Elle le fait placer dans l'oratoire intérieur. 7 juillet 1875, une inondation catastrophique. Un orage d'une rare violence, a grondé sans interruption le 7 juillet, de 13 à 20 heures. Une trombe d'eau s'ébat le soir entre Bernay et Lisieux. Située dans la cuvette, le Carmel est en veille en un quart d'heure. À 23 heures, le flot atteint 6 pieds dans le monastère, environ 1,80 mètres. La communauté se réfugie à l'étage. Les deux touriens vont-elles être noyés dehors? Mère Marie de Gonzette fait scier la grille de bois du parloir du supérieur, au premier, pour recueillir en clôture les naufragés, elles avaient déjà l'eau aux genoux. Mais la chapelle? La jeune Marie des Anges, très mince, propose de se faufiler par la très petite porte du communicatoire. Elle prend le ciboire, que Mère Isabelle transporte à la tribune, alors salle du chapitre. Au-dessus de l'avant-cœur, c'est là qu'on se regroupe, dans une supplication intense. La violence du flot a enfoncé la grande porte charretière. Et la clôture, donc? Mère Marie de Gonzague se met en devoir d'aller refermer le portail, aidée d'une sœur. Elle doit rebrousser chemin. L'eau dévale avec fracas les escaliers. Et la crue progresse toujours. La prieure fait alors un vœu en présence de toutes, on fera dire 15 messes pour les âmes du purgatoire. On offrira aussi une neuvaine de communion et de jeûne. Ce vœu fit une barrière que l'eau respecta tellement qu'à 4 heures du matin, elle s'était entièrement retirée. Là, une nouvelle inquiétude mortelle succéda à la précédente. Mère Marie de Gonzague ne s'est-elle pas rendue très coupable d'avoir fait prendre le Saint-Sacrement? Monsieur de la Truette, arrivé sur les lieux dès 6 heures du matin, la rassurée approuve toutes ses initiatives. Mais quel spectacle! Réfectoire et cloître dépavé, jardin bouleversé, Une boue infectée huileuse a envahi tout le rez-de-chaussée. Le gendarme Bugeaud constate les dégâts et fait un rapport. La présidente McMahon enverra un secours de 1000 francs. Il faudra plus d'un an pour résorber l'humidité. D'Alençon, Madame Martin s'est inquiétée pour la pharmacie Guérin qui, située plus haut, n'a pas souffert. Elle tire la morale, ce sont de grands fléaux, mais les impies n'en profitent guère, lettre du 11 juillet 1875. Elle envoie sa contribution pour les inondés de Lisieux. Achèvement du monastère, 1876-1877. Un temps pour détruire, un temps pour bâtir un déluge, a submergé la première aile du monastère. À Saint-Médard, simple coïncidence, est confiée la première pierre des nouveaux bâtiments, 8 juin 1876. Car il ne suffit pas de réparer. Les vocations s'annoncent nombreuses. Il est temps d'achever un monastère régulier. Les fonds manquent mais la prieure fonce avec résolution. Par courrier, elle quête inlassablement, auprès des Carmels et des anciens amis, auprès aussi de ses relations de jeunesse, dames nobles et fortunées répondront à son appel. Nul doute qu'une méthodique recherche des écrits, ne mettrait à jour une collection épistolaire fort précieuse pour la connaissance de son auteur et de cette période presque inexplorée de l'histoire du Carmel. Le parloir requiert aussi Mère Marie de Gonzague, questions matérielles à traiter, sollicitations à multiplier pour obtenir les sommes indispensables, témoignages de reconnaissance à donner ensuite, entraîne pas mal de conversations, André Nocher. Plus qu'il n'est souhaitable pour une carmélite, on lui en fera grief. Les entretiens, d'ailleurs, tournent volontiers en direction spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila la première, a connu ses mêmes obligations, écueils et servitudes. Le hardi projet prend corps en moins de 18 mois. On bénit les deux ailes nouvelles, le 30 septembre 1877. 20 ans jour pour jour avant la mort de Thérèse. Côté jardin, un cloître longe un simple rez-de-chaussée. Les docteurs Nota et James ont déconseillé d'édifier les tâches prévues, l'air se trouverait trop concentré, le monastère n'aurait pas cette salubrité si nécessaire à la santé des sœurs, une terrasse recouvre donc l'ermitage du Sacré-Cœur, et les deux appartements contigus. Thérèse viendra y prier, les soirs d'été. Le quatrième côté du quadrilatère est celui des infirmeries. Il offre, à l'étage, un très beau chapitre, une bibliothèque, une chambre de travail pour la sacristie, et 5 cellules. Le 30 septembre, Monsieur de Latroette et l'abbé Youf, accompagnés des sœurs en manteau et grand voile, bénissent aussi le calvaire en granit. Le Christ en a été donné par la famille de Thérèse de Saint-Augustin. Avec ce calvaire, son gazon et ses allées sablées, le préau donne au monastère, un aspect religieux et sévère, bientôt égayé de fleurs. Le triennat s'achève. Les circonstances ont permis à la jeune prieure de manifester ses talents. À la communauté de porter un jugement. Son vote confirme la réussite. Le 10 novembre 1877, les élections eurent lieu, la mère Marie de Gonzague fut réélue prieure, la sœur Fébronie de la Sainte Enfance fut élue sous-prieure, la mère Geneviève réélue première dépositaire, et la sœur Saint-Stanislas réélue troisième dépositaire. L'accord qui régna à ces élections, fut très consolant pour le supérieur et les capitulantes. Le nid terminé, les oiseaux peuvent accourir et se multiplier. Une seconde mère. Mère Agnès devait un jour décerner à Mère Marie de Gonzague, le titre de seconde mère de notre Carmel. Il prend une résonance étrange, si l'on songe aux demoiselles Martin. En ces mêmes semaines où l'érection d'une croix au Carmel couronne 40 années d'efforts, Monsieur Martin et ses 5 filles gravissent un autre calvaire. La mort fauche Madame Martin, à moins de 46 ans, le 28 août 1877. Son frère, Isidore Guérin, le pharmacien de Lisieux, découvre, le 10 septembre, non loin de chez lui, la demeure idéale pour la famille endeuillée, les Buissonnet. On en prend possession le 16 novembre, 10 jours après la réélection de celle qui deviendrait un jour, une seconde mère pour 4 des 5 orphelines, Pauline Martin, 1882, Marie, 1886, Thérèse, 1888, Céline, 1894. Il est des synchronismes chargés de mystère. 5. Un triennat de 5 ans, 10 novembre 1877, 28 janvier 1883. Voici donc Mère Marie de Gonzague réélue prieure pour 3 ans, le 10 novembre 1877. Si l'accord qui régna à ces élections fut très consolant pour le supérieur et les capitulantes, Halles, mars 1986, gageons qu'il ne le fut pas moins pour la prieure. Elle a un immense besoin de la confiance d'autrui. Ce sera un jour sa pierre d'achoppement. De l'intérêt des circulaires. Les archives du Carmel ne gardent que 26 lettres de Mère Marie de Gonzague, inventaire de 1973, en CG 2, 1245. C'est fort peu. Presque toutes ont été publiées dans l'édition du centenaire ou vie thérésienne. Pour connaître un peu son style, d'ailleurs très marqué par le romantisme, on dispose encore des 12 circulaires nécrologiques imprimés sous sa signature entre 1877 et 1898. Dans ses notices, destinées aux autres Carmels, la prieure se met souvent en cause, cela vaut alors pour toute rédactrice, quel que soit son monastère. Voici le récit de la mort de Mère Isabelle, au terme d'une maladie mal définie de 33 années, se terminant par 24 heures de terrible vomissement, le 24 juin 1877. Revenu de suite près de ce lit de douleur pour tous nos cœurs, nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que le dernier moment approchait, nous fîmes appeler la communauté et vers 7 heures du soir, réunis auprès de cette chair mourante, nous lui renouvelâmes les prières de la recommandation de l'âme. L'instant suprême était arrivé. Oh combien furent alors touchants ces derniers moments! Agenouillés près de son lit, nous la tenions expirante entre nos bras, nous la pressions contre notre cœur, l'arrosant de nos larmes, lui suggérant encore des paroles de consolation, et prononçant pour elle le nom de celui qui avait été son tout sur la terre, et vers lequel sa belle âme s'envolait pour recevoir la récompense des vertus dont elle nous laissait embaumer. Les sanglots de toute la communauté redisaient encore à cette bonne mère l'affection de tous les cœurs. Malgré l'impression si consolante que nous laisse cette mort si douce, nous vous prions, ma révérende mère, de faire rendre au plus tôt les suffrages de notre saint ordre à notre chère mère sous prieure, etc. Retrouvailles. Les conditions assez spéciales dans lesquelles s'était faite la fondation de Caen, avec l'approbation du supérieur de Lisieux, avaient laissé un certain malaise. Après la mort de Monsieur Cagnard, 20 juillet 1870, les relations épistolaires cessèrent pratiquement entre les deux monastères. Devenue prieure. Mère Marie de Gonzague, qui gardait une grande affection pour Mère Marie Baptiste, partit pour Caen le 19 octobre 1868, s'employa à renouer les liens fraternels. L'union des deux Carmels ne devait plus se démentir. Retrouvaille analogue avec l'une des fondatrices de Séguin. Seule avait persévéré avec Mère Philomène, depuis 1861, la jeune Xavier du Cœur de Jésus. Il y fallait un héroïsme hors du commun. Les deux carmélites avaient la personnalité et la vertu requises pour pareille entreprise. Revers de la médaille, avec les années, Paul et Barnabé eurent besoin de chants d'apostolat distincts, à leur mesure. Mère Xavier rêvait depuis longtemps de la fondation d'un carmel à Jérusalem. Les circonstances négat. Ils peuvent aussi être providentielles. Elle quitte donc Saigon en 1872, revient en France, passe à Lisieux, sa ville natale, sans oser frapper au Carmel. Elle pose le pied dans la ville sainte, le 26 août 1874. Pour construire le monastère sur le mont des Oliviers, fondé avec le concours du Carmel de Carpentras, elle doit quitter les Carmels de France. Situation délicate vis-à-vis de Lisieux. Puis, un jour, une bonne surprise, que Mère Xavier conte à une amie, par ce même courrier, nous avons reçu une lettre du Carmel de Lisieux, c'est Mademoiselle de Vierville qui y est prieure, sœur Marie de Gonzègue, nous étions novices ensemble. Il fallait bien leur écrire comme à tous les autres Carmels sous peine de les froisser plus que jamais. Leur réponse s'est faite poste pour poste, et a été très aimable. Je vais profiter de leur bon accueil pour me rapprocher. Notre mère me charge de les remercier des 25 francs promis, ce qui est une bonne occasion pour moi, je vais en profiter pour leur expliquer certaines choses qui ont dû être pour elles incompréhensibles. Lettre à Madame de Préau, 24 mai 1877. Les relations chaleureuses entre Lisieux et Jérusalem se maintiendront au-delà de la mort de Mère Xavier, 1889. C'est ainsi qu'en 1896-1897, Mère Marie de Gonzague parlera souvent de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, son ange, enverra ses poésies, informera de ses maladies et de ses morts. Date de famille. Entrée, profession, fête se succèdent. Une simple énumération, Mère Marie de Gonzague reçoit les vœux de Thérèse de Saint-Augustin, le 1er mai 1877, ceux de Sœur Saint-Jean de la Croix, le 17 janvier 1878. Elle accueille le 3 janvier 1879 une veuve de 50 ans, Sœur Marie-Emmanuelle, qui fera profession le 7 octobre 1880. Pour la fête priorale, le 21 juin 1878, une novice qui n'avait pu persévérer, Marie Gaëry, offre un groupe sculpté, le Sacré-Cœur apparaissant à Marguerite Marie. Son mérite artistique, il a aujourd'hui valeur de souvenir, c'est à ses pieds que Mère Agnès de Jésus ira implorer pour Thérèse, le 30 septembre 1897, la force d'endurer jusqu'à la fin sa terrible agonie. Comme l'étoile du matin. La toute première tourière, Sœur Louise, qui portait la coiffe de Falaise, son pays natal, meurt le 25 mars 1878. Sa compagne, Sœur Désirée, a-t-elle aperçu, quelque après-midi de l'été 1879, dans la cour de la chapelle, un beau vieillard, donnant la main à une ravissante petite fille? Au cours de leur promenade quotidienne, Monsieur Martin et la petite reine entrent pour la première fois dans la chapelle du Carmel. Papa me montra la grille du chœur, me disant que derrière étaient des religieuses. J'étais bien loin de me douter, que 9 ans plus tard je serais parmi elles, manuscrit A, 14 recto. Cette petite étoile deviendra de plus en plus radieuse dans l'Église de Dieu. Ce n'est encore que l'étoile du matin au milieu d'une petite nuée. Mais un jour elle remplira la maison du Seigneur, Pélouis, passionniste, 30 novembre 1898. Qui le prévoit, à cette heure? Intermède macabre. Mère Isabelle avait été inhumée en clôture, en juin 1877, comme ses devancières. Obsèques non clandestines, certes, puisque présidée par le supérieur accompagné d'un nombre clergé de la ville. Mais on avait omis, et cela depuis 1870, de demander l'autorisation de la mairie. Un nouveau conseil municipal, rien moins que clérical, en prend argument pour demander, en février 1878, l'exhumation de toutes les carmélites du cimetière conventuel, soit 9 sœurs. Grande anxiété pour Mère Marie de Gonzague. Polémique dans la presse locale, pour ou contre la décision. Après 3 mois d'alarme, l'orage s'apaise. Que les morts dorment en paix au milieu de leurs sœurs, mais on n'enterrera plus en clôture. Les défuntes reposeront désormais dans le cimetière de la ville. En 1897, Monsieur Guérin y achèterait un petit enclos pour les carmélites. Thérèse les traînera dès le 4 octobre, où l'on joue les prolongations. Mère Marie de Gonzague a été prieure pendant trois sextennats, conformément aux constitutions. 1874-1880 1886-1892 1896-1902 Le premier sextennat fut prolongé de 2 ans et 2 mois, par Monseigneur Huguenin, à la demande de la communauté, en raison des malheurs des temps. Le second le sera d'un an, sur les instances des sœurs, au sortir du terrible influenza de l'hiver 91-92. De ces prolongations, on a déduit que Mère Marie de Gonzague s'arrangeait toujours pour garder le pouvoir. Habitée, en somme, par une conviction du genre, « si je m'en vais, tout s'écroule ». Laissons au témoin la responsabilité de son affirmation. La généreuse Providence fera d'ailleurs bonne mesure pour compenser cet abus. En 1923, la communauté demandera la confirmation à vie du prieurat de Mère Agnès de Jésus. Elle aura ainsi porté la charge en 1893-1896. 1902-1908-1909-1951 sans interruption. Cas unique dans les annales de l'ordre. Revenons aux chroniques. En cette même année 1880, finissait le second triennat de la révérende Mère Marie de Gonzague. Les temps étaient trop malheureux pour penser à faire une élection. La communauté, heureuse sous le gouvernement de cette bonne mère, demanda la prolongation de son priorat, ce que Monseigneur accorda pour 2 ans. Cette année vraiment néfaste pour les ordres religieux vit expulser tous les couvents d'hommes, ceux de femmes semblaient devoir avoir le même sort, ce qui jeta la consternation dans celui du Carmel déjà, on prépare des habits civils pour la dispersion. En novembre 1880, l'alternance aurait voulu que Mère Geneviève de Sainte-Thérèse reprît la charge, aucune autre priorable, à l'époque. Elle a maintenant 75 ans et beaucoup d'infirmité. La communauté se sera-t-elle sentie plus en sécurité, en pareille conjoncture, avec une prieure de 46 ans, qui a de l'ascendant, de l'initiative, de haute relation? Simple question. Un doute subsiste néanmoins. Nous avons bien lu, la communauté, heureuse sous le gouvernement de cette bonne mère, Marie de Gonzague. Est-ce possible? N'y aurait-il pas mal d'hommes? En 1947, Mère Agnès de Jésus, consultée sur la vérité de ce passage, dit que, comme pour elle, comme pour les sœurs, s'unissait en Mère Geneviève, à l'égard de Mère Marie de Gonzague, les contrastes étranges d'une grande affection, et la souffrance des chocs causés par les écarts de son malheureux caractère. Mère Marie de Gonzague ne craignait pas Mère Geneviève, mais n'en était pas jalouse, Nodgé, texte intéressant. Si l'on procède par élimination, la seule prieure jalousée aura donc été Mère Agnès, 1893-1896. Dieu soit béni, nous avons encore, en 1880, 13 ans de répit devant nous. À la demande de la communauté, et avec l'approbation de Monseigneur Huguenin, Mère Marie de Gonzague voit donc son deuxième prieurat prolongé de 2 ans, 16 novembre 1880. Disposition providentielle, qui va lui permettre d'accueillir 2 postulantes des Buissonnais. Mais suivons-la encore quelques instants auprès de ses sœurs. Fin de la première partie.